Vous écoutez France Culture. Les lundis de l'histoire présentés cet après-midi par Roger Chartier. Dans une lettre, sans doute écrite en 1661 ou 1662, Henry Oldenburg, qui est alors secrétaire de la Royal Society à Londres, écrit à Spinoza, qui lui se trouve à Amsterdam. Je cite « Je suis entièrement d'avis que vous ne priviez pas les hommes d'études des écrits qu'avec votre science et votre pénétration d'esprit vous avez composés tant sur la philosophie que sur la théologie, et que vous ne les publiez, quelque grognement que fassent entendre les théologastres. Votre république est très libre, on y philosophe très librement, et cependant votre prudence vous engage à ne publier vos idées qu'avec la plus grande modération et à vous remettre au destin pour le reste. Bannissez donc, mon excellent ami, toute crainte d'irriter les homoncules de notre temps. Assez longtemps, on a rendu des hommages à l'ignorance et à l'ineptie. Il est temps d'aller à toute voile vers la vraie science et de scruter les secrets de la nature plus avant qu'on ne l'a fait jusqu'ici. » C'est cette dernière phrase, « aller à toute voile vers la vraie science » que Stéphane Van Damme a choisi comme titre du livre qu'il vient de publier aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique. Dans cet ouvrage, qui a pour sous-titre « Une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières », Stéphane Van Damme, qui est aujourd'hui professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, ajoute, on pourrait le dire, un troisième volet à cette autre histoire de la philosophie qu'il a entreprise. Il en a commencé la première étape avec un livre consacré à la construction de la figure et de l'œuvre de Descartes. Le titre en était « Descartes, essai d'histoire culturelle d'une grandeur philosophique ». Et il l'a poursuivi avec un second livre intitulé « Paris, capitale philosophique de la Fronde à la Révolution ». Et nous avions d'ailleurs présenté ici même ces deux ouvrages. Stéphane Van Damme complète aujourd'hui cette entreprise avec ce nouveau livre destiné, je le cite, à mettre en évidence les modalités de la présence de la philosophie dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour présenter, pour discuter ce livre, dialogueront avec Stéphane Van Damme, son auteur, Antonella Romano et Antoine Lilti, tous deux directeurs d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Leurs ouvrages sont en bonne place dans les lectures et dans les notes de Stéphane Van Damme, aussi bien le livre collectif dirigé par Antonella Romano sur Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumière, un livre publié par les éditions de l'École française de Rome, aussi bien le livre d'Antoine Lilti, présent dans ses notes et dans ses lectures, « Le monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle », un ouvrage paru chez Fayard. Ces deux livres qui se situent dans l'espace urbain de deux capitales, la capitale de la chrétienté, la capitale du royaume de France, nourrissent l'une des interrogations majeures que nous retrouverons au cours de cette conversation, l'une des interrogations majeures de l'ouvrage d'Antoine Lilti, à savoir le projet, et je le cite encore, d'une histoire spatiale de la philosophie au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors Stéphane Van Damme, on peut commencer, sinon par votre titre, mais au moins par votre sous-titre, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières. Alors d'abord, première question, pourquoi autre histoire ? Quelle serait l'histoire différente que vous proposez par rapport à celles qui ont déjà été écrites ? Alors je vous remercie d'abord pour l'invitation. Alors l'hypothèse de départ, c'était de partir d'un état des lieux et en particulier du fait que depuis deux siècles, l'histoire de la philosophie est largement une histoire philosophique de la philosophie. Et donc essayer de dessiner les contours d'un questionnaire centré sur une approche historienne. Cette approche historienne, elle a été Il y a des précédents, évidemment, elle n'a pas été ignorée, mais on peut dire que globalement, il n'y a pas eu le même développement pour la philosophie, comme il y a eu une histoire la littérature, une histoire culturelle des sciences, une histoire culturelle de l'art. Donc l'idée, c'était un petit peu de réinvestir en produisant une approche marquée par des pratiques historiennes d'historicisation de la philosophie. Alors ça veut dire en premier lieu que les objets de cette autre histoire sont un peu ou même fondamentalement différents de ceux d'une histoire philosophique de la philosophie. Vous employez très fréquemment l'idée ou les désignations d'une approche pragmatique ou d'une approche de la dimension matérielle du travail philosophique. Qu'est-ce que vous entendez par l'un et l'autre, pragmatique et matériel? Il est vrai que la difficulté, quand on essaye d'entreprendre cette histoire culturelle de la philosophie, c'est qu'on bute, évidemment, sur une pluralité de définitions à l'époque moderne. Si on reprend un dictionnaire de l'Ancien Régime, Furetière, Académie française, ou des dictionnaires étrangers, ou encore l'encyclopédie, on est face à cette diversité. Diversité de définitions, donc il y a la définition la plus évidente qui serait celle disciplinaire, on pourrait presque dire une définition scolastique qui est directement héritière du Moyen-Âge. Mais évidemment, il y a toute une série de nouvelles définitions ou de définitions anciennes qui sont réactualisées au XVIIe siècle. Et donc, je suis parti de l'idée que plutôt que d'en choisir une, il fallait les faire tenir toutes ensemble et essayer par une approche pragmatique, c'est-à-dire en suivant la manière dont les acteurs définissaient cette activité, à travers leurs pratiques, à travers aussi les objets qui entourent l'univers philosophique, et non plus simplement l'analyse des livres, des contenus, des textes, essayer d'avancer dans cette histoire qui serait aussi une histoire des philosophies de plein air, si j'ose dire, et non pas simplement une histoire de cette philosophie universitaire telle qu'on a pu la connaître. Voilà, vous commencez non seulement de passer de l'autre histoire à ce qui en est l'objet, c'est-à-dire ces frontières mouvantes, plurielles, de ce qu'est philosopher dans les siècles qui vous ont retenu, 17e, 18e siècle. Vous rappelez effectivement qu'il y a trois définitions possibles, soit par la tradition, soit par la philosophie comme mode de vie, soit la philosophie comme connaissance de la nature, et que sans trancher entre l'une et l'autre, vous en étudiez les différentes propositions dans cet univers. Donc c'est là le principe même de l'historicisation que vous mettez au point de départ de votre enquête. Mais alors, est-ce qu'on peut dire un peu plus contre quoi vous voulez construire cette philosophie ? Quand on parle d'histoire philosophique de la philosophie, on entend évidemment des choses assez différentes dans des approches reçues jusqu'à maintenant, les unes qui pouvaient appartenir à une tradition d'histoire des idées, d'autres qui peuvent des doctrines, d'autres qui peuvent appartenir à des anachronismes, parfois volontaires, comme dans le cas de la philosophie analytique, qui met en rapport et traduit dans des langages philosophiques contemporains des œuvres ancienne. Pourquoi, pour vous, ces approches sont insuffisantes ? Alors, pour être tout à fait clair, il s'agit bien d'une autre histoire de la philosophie et non pas d'une contre-histoire de la philosophie, comme on a pu être habitué à l'entendre dans la dernière décennie, par exemple. Donc, ce n'est pas une contre-proposition. Voilà un acte de prudence. Voilà, exactement. Et c'est d'autant plus honnête de dire ça que le dernier chapitre, donc l'épilogue, précise bien l'avancée du côté de la philosophie elle-même et de l'histoire de la philosophie en particulier, d'un certain nombre de propositions méthodologiques, historiographiques, pour réhistoriciser du point de vue philosophique l'objet philosophique. Évidemment, il y a des cas bien célèbres, ce qui m'a intéressé, on peut en choisir quelques-uns, s'agisse d'une histoire plus archéologique, à la manière d'Alain de Libera, par exemple, d'une histoire plus intellectuelle, donc un grand courant d'histoire intellectuelle qui est en train de se régénérer pour l'époque moderne. Donc il y a tout un ensemble de propositions qui permettent de dessiner un espace commun. Et il y a un troisième pôle dans ce dialogue, c'est celui des sciences sociales. Il y a une nouvelle sociologie historique de la philosophie, dans le sillage d'abord de Pierre Bourdieu, Puis ensuite, des travaux comme ceux de Jean-Louis Fabiani, par exemple, autour des configurations de savoir philosophique. Donc il y a tout un ensemble de propositions qui me semblent aujourd'hui permettre de constituer l'histoire historienne de la philosophie comme un terrain neuf à l'investigation. Alors, dernier bon mot de ce sous-titre, peut-être que attirer particulièrement l'attention d'Antoine Lilti, au temps des Lumières, ce qui peut surprendre quelquefois le lecteur, puisque dans la citation que l'on peut faire de beaucoup de beaux passages, on voit que ce qui est couvert par votre enquête, c'est les 17e, 18e siècles, et il n'est pas nécessairement habituel ou ordinaire de traiter le 17e siècle, l'âge supposé classique, comme du temps des Lumières. Alors, quelle est votre réaction, Antoine Lilti, sur cette utilisation de lumière pour couvrir quelque chose qui, à la fois, semble déborder? Et est-ce que, du coup, ça laisse une pertinence à cette catégorie? Alors, il me semble que c'est justement un des grands intérêts du travail de Stéphane Van Damme, qui est à la fois d'utiliser de façon prioritaire pour désigner la période sur laquelle il travaille l'idée d'ancien régime philosophique, qui est une manière, comme il le dit, de rompre avec le grand récit de la modernité selon lequel la philosophie, à partir de Descartes et plus encore avec les Lumières, serait à l'origine de notre propre rapport à la pensée, à la rationalité, à la philosophie. Donc il veut rompre avec ce discours-là, d'où l'utilisation très souvent, non pas dans le titre, mais dans le texte, d'ancien régime philosophique pour désigner cette période du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et en même temps, le terme de lumière est revendiqué dans le titre et dans de nombreux passages du livre pour désigner néanmoins la revendication, à la fois la revendication de nouveauté et de modernité par les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi une série de transformations sociales et culturelles que l'enquête met au jour et qui sont, par exemple, l'importance de la publicité, on y reviendra sans doute, dans l'activité philosophique. Donc cette tension entre à la fois le rappel de tout ce qui nous éloigne de cette période, et donc la volonté de surtout pas faire des lumières immédiatement une catégorie allant de soi de notre modernité, et en même temps de ne pas passer sous silence des transformations importantes de cette époque, je crois. Cette tension est très productive et fait une des dynamiques fortes du livre. Peut-être, Antonella Romano, je pensais en entendant que Stéphane Van Damme recommandait l'idée d'une approche pragmatique, d'une attention à la dimension matérielle des pratiques de savoir, qu'il y avait là des parallèles assez forts qui sont marqués avec une nouvelle manière de produire l'histoire des connaissances ou l'histoire des sciences. Est-ce que vous avez été frappé par ce parallèle? D'ailleurs, Stéphane Van Damme fait souvent allusion à des travaux d'histoire des sciences. Est-ce qu'on peut le mener jusqu'à son terme, ou est-ce qu'à un moment donné naîtrait une différence entre savoir scientifique et réflexion ou pratique ou art de vie philosophique tel qu'il les conçoit dans leur diversité? Donc je trouve que là encore, c'est un des grands intérêts de ce livre qui décide de se centrer sur un objet, la philosophie, le faire philosophie, et qui au fond le fait comme tout historien des sciences, j'espère aujourd'hui, serait tenté de le faire, c'est-à-dire partir des acteurs et des catégories que mobilisent les acteurs, ce que Stéphane Van Damme vient de nous expliquer dans sa proposition, qui est une démarche, je crois, que nous avons en partage aujourd'hui entre historiens des sciences, historiens de la culture. Et d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que l'histoire des sciences aujourd'hui, telle que le dessine le programme méthodologique et épistémologique de Stéphane Van Damme, est de l'histoire tout court. Et c'est celle dans laquelle nous pourrions très facilement nous retrouver les uns et les autres. Alors on peut peut-être, avec armé de ces propositions et ces catégories, entrer dans le livre lui-même. Et toute une première partie de ce livre est consacrée en quelque sorte à un diptyque entre ce qui est peut-être une définition plus commode pour un historien de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie comme contenu d'enseignement dans les collèges. Et puis de l'autre côté, ce qui est votre pari, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une philosophie sans frontières, il y a une philosophie sans institutions qui pénètre le monde social. Antoine Lilti évoquait cette dimension publique de la philosophie. Alors vous avez construit cette première approche, sur cette opposition, commençant avec quelque chose qui vous était familier, puisqu'un de vos livres, que je n'ai pas rappelé dans ma présentation de commencement, est un livre qui était consacré au collège jésuite à Lyon, et où l'enseignement de philosophie était tout à fait fondamental. Alors, comment vous avez construit cette opposition? Sur quel point particulièrement important elle se définit entre la philosophie de collège et puis cette philosophie, vous reprenez une expression d'Olivier Bloch, une philosophie sans philosophe, c'est-à-dire il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de professeur, mais on philosophie, ou on philosophe tout court, dans le monde social. Vous pouvez revenir d'un mot sur les points d'opposition terme à terme entre ces deux manières de concevoir la philosophie au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, ce qui m'a intéressé sur cette question, c'est d'essayer déjà de décrire l'ensemble de l'éventail des pratiques dites philosophiques. Et donc, à côté donc, de la philosophie enseignée, d'un savoir scolarisé, avec ce savoir scolarisé, on a effectivement la définition bien connue de la philosophie comme métier. On a tout un ensemble d'activités qui se mettent en place et qui donnent consistance d'une certaine manière à la pratique de la philosophie comme pratique culturelle. Mais je dirais, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de décrire des effets de seuil d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut, et là donc... Sur le point de la philosophie scolastique, j'essaye de montrer, par exemple, que l'exercice du professorat ou de l'enseignement de la philosophie est finalement, quand on y regarde de très près, relativement temporaire. Il vient après une formation ou une expérience d'enseignement de la rhétorique, en attendant un enseignement supérieur de la théologie. Donc, il s'agissait aussi un tout petit peu de travailler à déplacer, je dirais, des définitions stables. C'est-à-dire, la philosophie comme métier, c'est quoi, finalement? Est-ce que ces oppositions sont aussi évidentes à l'époque moderne? On peut peut-être rester un moment sur ce point, Antonella Romano, parce que vous avez travaillé sur le Collegio Romano, sur le collège à Rome. Ce que tente de montrer, me semble-t-il, Stéphane Bandin, c'est que d'un côté, il y a effectivement, lorsqu'on est dans une situation scolaire, dans un ordre religieux, une tentative d'unification, d'homogénéisation. Il parle de formalisation des pratiques et en même temps, son accent se porte volontiers non seulement sur ses carrières des professeurs, mais sur l'hétérogénéité, y compris intellectuel. Est-ce que c'est un diagnostic maintenant que l'on peut porter, c'est-à-dire de se mettre à une certaine distance d'une idée trop homogène de l'enseignement de la philosophie dans les collèges, à commencer par les collèges jésuites, bien entendu? Oui, en effet. Il me semble que c'est un des grands acquis des travaux récents qui sont nés, pour la plupart d'entre eux, dans une matrice d'histoire institutionnelle, précisément, et qui, je pense à l'importance des travaux de Dominique Julia dans ce domaine, cela va de soi, et qui nous ont invités à regarder au plus près, comme le disait Stéphane Van Damme, des trajectoires, et donc de voir comment se déploie la tension entre des échelles d'analyse, celle de l'institution qui, par définition, est une institution de contrainte. Et donc, elle produit du dogme. Et puis, les individus qui ont, quant à eux, dans le cadre de cette institution, et les sociétés d'Ancien Régime, de ce point de vue-là, sont tout à fait intéressantes, parce qu'elles nous permettent peut-être de saisir de manière extrêmement centrale l'ensemble des contraintes et des contradictions qui pèsent sur l'individu dans son rapport à l'institution, mais bien au-delà aussi dans son rapport aux autres lieux institutionnels de l'énoncé de la norme. Et il me semble que le travail de Stéphane Van Damme sur les collèges jésuites en particulier, mais sur bien d'autres objets aussi, permet de montrer la richesse de l'observation par l'institution, mais la nécessité d'en sortir. Alors du coup, ça permet de construire par contraste cette philosophie sans philosophe, au sens professionnel, dont on vient de voir qu'elle est peut-être elle-même plus variées, plus diverses que ce que la norme voudrait. Et du coup, on rejoint ce que disait Antoine Littis sur le fait que le lieu de cette philosophie n'est pas l'institution, mais peut être l'espace public, et qu'il y a de grandes différences aussi sur les genres même dans lesquels le discours philosophique va s'inscrire, et voire même sur le rapport entre la philosophie comme mode d'existence par rapport à la philosophie comme corps de doctrine. Donc vous faites cette série de dichotomies. Dans le mot, par exemple, les genres. Quels sont les genres dans lesquels, au XVIIe, XVIIIe siècle, on peut rencontrer cette philosophie sans philosophe professionnel ? Oui, alors, effectivement, c'est un des effets de cette déstabilisation de la définition consiste, par exemple, à ne pas traiter la philosophie simplement à travers les genres les plus établis, ou enfin, en tout cas ceux qui vont devenir les plus établis au XIXe siècle, ceux du traité. Vous mentionnez les cours de, voilà, les cours des collèges, les qui commentaires. Se transmettent. Voilà, ça c'est vraiment la forme, on va dire, la plus scolastique et la plus ordinaire dans l'enseignement et dans la publication de la philosophie au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais bien, à partir du moment où on prend au sérieux cette idée qu'il y a une passion ordinaire de la philosophie, passion de la vérité, hein, qu'on trouve partout, hein, dans tous les discours d'escorte, si on prend au sérieux cette passion, cette pratique culturelle, eh bien, alors à ce moment-là, on a accès aussi à la philosophie à travers des genres littéraires, par exemple, le théâtre, qui est un lieu très important, en particulier au XVIIe, XVIIIe siècle, de discussion de cette définition de l'identité du philosophe. Antoine Littis. Oui, alors, il me semble que ce qui est très intéressant, c'est que cette philosophie sans les professeurs n'est pas simplement une philosophie à côté ou au-delà ou en dehors de l'institution, c'est largement aussi, notamment dans le cadre français, une philosophie contre l'institution, une philosophie contre les professeurs. Et là, on a une troisième dimension, une troisième couche de la philosophie entre XVIIe et XVIIIe siècle, qui est une dimension militante. Et on le voit très bien dans le livre de Stéphane Van Damme, aussi bien avec les libertins et les libres penseurs du XVIIe siècle, qu'évidemment avec les philosophes et avec la figure de Voltaire, qui définit l'esprit philosophique et la figure du philosophe comme justement celui qui renvoie dans les écoles les vieux débats scolastiques traditionnels et lutte pour un certain rapport à la vérité qui n'est plus celui simplement d'un rapport effectivement dogmatique ou de discussion sur le dogme, mais qui, au contraire, se construit contre cette philosophie de l'école. Mais alors, je suis pris d'un doute, dans la mesure où, effectivement, on voit cette fluidité, cette présence à travers des genres différents, inattendus par rapport à une histoire classique de la philosophie. Mais qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire qu'il s'agit là d'activités philosophiques ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le noyau de résistance qui fait que, quel que soit le genre, quel que soit le lieu, là, on vient d'évoquer les lieux de l'espace public, vous montrez d'ailleurs sur des nombreuses études de cas comment des injustices se transforment en causes et des causes se transforment en affirmations de principes et de valeurs éthiques, morales, philosophiques. Mais il reste pas moins que vous avez implicitement une définition de ce qu'est sinon la philosophie comme doctrine, mais philosopher comme activité. Alors, quelle est cette définition ? Alors, la définition la plus stable, c'est sans doute celle du corps de doctrine, c'est-à-dire logique, physique, métaphysique, qui était enseignée. Donc, c'est celle qu'on retrouve toujours dans les définitions qui sont données dans les dictionnaires ou dans la pratique philosophique la plus haute, si j'ose dire. Mais évidemment, il y a tout un jeu qui vise à revenir sur ces définitions constamment et à les ouvrir à ce qu'on pourrait appeler un mode de vie. Alors, sur la question du mode de vie, par exemple, l'article de l'encyclopédie est très intéressant, puisqu'il, redéfinissant la philosophie comme sagesse, l'auteur de l'article philosophie émet un doute sur le sérieux de cette définition. Donc, on est toujours entre une définition à minima, justement solide, d'une certaine manière, qui définirait une sorte de philosophicité, comme on pourrait parler de littérarité, c'est-à-dire quelque chose qui serait le plus philosophique. Donc souvent, c'est la logique qui prête comme méthode, qui donne cette première définition, et puis des définitions qui sont beaucoup plus larges et qui sont beaucoup plus floues aussi. Et l'idée, c'est justement d'essayer de couvrir l'ensemble de ce répertoire en essayant de voir comment les choses circulent et d'essayer de rendre compte, puisque je suis historien, d'une amplification du domaine philosophique. C'est-à-dire le fait qu'il y a cette dynamique d'extériorité, cette idée que la philosophie doit embrasser aussi bien la chimie, l'économie politique, à la fois les nouveaux savoirs, d'où l'usage du terme de philosophique, c'est une manière qui est plus large. Alors du coup, est-ce que ça n'introduit pas aussi peut-être une dimension de conflit, c'est-à-dire que ce qui est philosophé pour les uns ne l'est pas pour les autres? Et donc du coup, cette opposition trop tranchée peut-être entre la philosophie de collège et la philosophie d'amateur peut renvoyer à des conflits infiniment plus subtils entre le fait qu'on se désigne soi-même comme philosophant alors que cette catégorie n'est pas acceptée par des tenants soit d'une institution, soit d'une autre définition. Donc, d'introduire cette sorte de conflit. Vous dédiez beaucoup les conflits autour des causes qui se naissent d'injustice et qui seraient une illustration de peut-être de ce que je dis. Oui, alors, on vient de citer l'article philosophie de l'encyclopédie. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont commence cet article. Cet article commence ainsi. « Il n'y a rien qui coûte moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe. » Une vie obscure et retirée, quelques dehors de sagesse avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent sans le mériter. Alors, on voit bien qu'effectivement, on a un espace où la définition de philosophe ou de philosophique est devenue tellement large qu'elle est un espace de discussion, de débat, de conflit sur ce qu'est le vrai philosophe. C'est un terme qui revient très souvent. Mais ce qui est frappant, c'est que ce point de départ ne conduit évidemment pas l'auteur à réaffirmer une vraie philosophie du côté de l'institution professorale ou du corps de doctrine, mais au contraire, il s'en prend à ceux qui justement vivent une vie retirée, puisque le vrai philosophe pour les encyclopédistes, c'est au contraire celui qui vit dans le monde, qui vit dans la société, qui est inscrit dans les réseaux urbains de la culture de son temps et qui fait, comme il dit, de la société civile une véritable divinité sur Terre. Et là, je crois qu'on est au cœur du travail de Stéphane Van Damme, qui est justement de suivre, mais cette fois du côté de l'histoire sociale et de l'histoire des savoirs, la manière dont cette inscription du philosophe dans la société civile se donne à voir. Alors, dans cette perspective, vous accordez beaucoup d'importance à cette seconde dimension, pragmatique est la première, matérielle est la seconde, de votre approche, en portant l'attention sur, et là on retrouverait évidemment un rapport d'homologie, de parallèle avec l'histoire des sciences, sur des acteurs invisibles de la production philosophique et de la transmission philosophique, soulignant donc dans la constitution des corpus d'œuvres, dans l'écriture des biographies, la conservation des archives, le rôle de ces acteurs invisibles. Quels sont-ils les plus fondamentaux pour vous ? Alors, il est certain que un des grands marqueurs d'historicité pour les philosophes qui font une histoire philosophique, c'est la question de la tradition. Alors, l'idée, c'était justement de sortir d'un débat épistémologique sur la tradition, les Lumières comme anti-tradition, etc., mais d'essayer de travailler sur ce couple tradition-innovation à partir d'une approche matérielle, matérialisante de la pratique de la transmission. Alors, on a des pratiques qui vont de la filiation, ce que j'ai appelé l'effet Pygmalion, c'est-à-dire la transmission de maître à élève, c'est particulièrement fort dans les collèges, jusqu'à des pratiques qui sont des pratiques de transmission d'héritage intellectuel le plus matériel qui soit. Et là, j'ai analysé surtout des conflits au sein des familles. Qui détient les papiers, conflits entre les familles et l'État royal ou certaines institutions comme l'Académie des sciences, le jardin du roi, par exemple. Donc cette entrée par les conflits est très riche. Beaucoup, beaucoup de contentieux au XVIIe et au XVIIIe siècle, jusqu'à la constitution de véritables archives intellectuelles autour d'auteurs réputés. Donc là, effectivement, mon goût pour Descartes, si j'ose dire, m'a permis de suivre tous les conflits au sein de l'Académie des sciences autour de l'usage, du contrôle, du monopole exercé par certains certains savants, certains philosophes sur la diffusion d'autographes, par exemple. Et donc, jusqu'à la pratique la plus culturelle, qui est le fait de transformer l'objet philosophique en objet de consommation. Et là, on voit bien comment, avec la constitution d'un marché de l'autographe, on entre dans cette tension, hein, comme vous disiez, philosophie sans philosophe. On a là une philosophie sans philosophie, hein, où ce qui compte, c'est de posséder des lettres, des manuscrits signés dans la main autographe de son auteur. Mais du coup, on voit qu'il y a là quelque chose qui se joue autour de la garantie de l'authenticité, de la signification et de la délimitation du corpus pour les philosophes. On retrouverait votre premier livre sur Descartes, c'est-à-dire le fait que non seulement des héritiers intellectuels ou familiaux, que les secrétaires jouent un rôle très important. C'est un thème qui continue à étudier Anne Blair sur la Renaissance, le rôle fondamental des secrétaires. Donc, il y a dans ces luttes d'appropriation des auteurs quelque chose qui a à voir avec la définition et la signification de l'œuvre. Il y a peut-être quelque chose aussi de plus où vous évoquez les autographes. Il s'agit donc là des manuscrits autographes qui, peut-être aussi même dans le cadre de la fétichisation de l'auteur, la signature autographe, mais il s'agit des manuscrits autographes qui deviennent, me semble-t-il, au XVIIIe siècle, la garantie de cette authenticité ou la garantie de cette originalité de l'œuvre, ce qui expliquerait pourquoi les auteurs peuvent les négocier et pourquoi on commence à les constituer en archives. Est-ce qu'on aurait la même chose avec les philosophes naturels, c'est-à-dire les savants qui produisent un discours sur la nature, ou est-ce que antérieurement des manuscrits autographes ne seraient pas plus nombreux que pour le cas de la littérature ou de la philosophie? Il me semble que oui, là, le parallèle s'impose de manière extrêmement nette. D'abord parce qu'il me semble qu'une des questions qui est en jeu dans cette histoire matérielle que propose Stéphane, c'est la tension entre l'imprimé et le manuscrit, ou entre le manuscrit et l'imprimé. Et là, je crois que dans son livre, on a de nombreux exemples extrêmement intéressants de comment les procédures de certification et d'authentification, elles passent ou non par le stade supérieur ou pas, justement, de l'imprimé ou du manuscrit. Et on a toute une série de configurations extrêmement intéressantes. Il suffit de penser à la constitution des... Enfin, qu'est-ce que c'est que la constitution du corpus galiléen, par exemple, hein, un phénomène qui démarre avec Galilée lui-même et qui va pour se poursuivre jusqu'à nos jours, d'une certaine manière, puisque en fonction de la complexité de l'histoire, d'une part, ses propres textes, toute l'affaire du procès qui a été fondamentale, et où justement ce qui est en jeu dans le procès, c'est le contenu même d'une proposition scientifique, au-delà, bien sûr, de la question de la censure, etc., etc. Bref, autour de cet exemple-là, mais autour de bien d'autres, évidemment, on aurait le même genre de phénomène. Alors, dès lors qu'on passe au philosophe naturel, celui qui enquête sur la nature, alors, ce qui devient extrêmement intéressant, mais là aussi, il me semble que dans le livre de Stéphane Van Damme, on a toute une série de pistes extrêmement intéressantes, parce que l'histoire matérielle n'est plus uniquement l'histoire matérielle du manuscrit, c'est aussi l'histoire matérielle, enfin, c'est l'histoire d'artefacts, que ce soit, par exemple, les herbiers, que ce soit la rencontre avec les indigènes, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Yeah. Ce lied de Mozart, Gesellenreise, le voyage du compagnon, pour scander notre émission de cet après-midi consacrée au livre de Stefan Vandamme, À toute voile vers la vérité, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières, un livre publié par les éditions du Seuil. Peut-être amène à une question qui n'est pas traitée dans le livre, mais qui passerait dans un quatrième volume, votre triptyque transformé ainsi en quatre tomes. Est-ce qu'on peut philosopher aussi dans des formes qui ne soient pas discursives, par exemple en musique, en peinture, dans le ballet, juste pour signaler cela, ça me paraît être une conséquence de votre approche. Oui, tout à fait. Je pense que ça serait tout à fait intéressant de poursuivre cette histoire culturelle de la philosophie sur des terrains justement les plus extérieurs, d'une certaine manière, à la textualité. Donc la philosophie, on a une philosophie de la musique, évidemment, très riche. Il suffit de penser à Rameau. Enfin, il y a aussi des grands théoriciens de la musique qui sont des philosophes. Et Rousseau, bien sûr. Donc là, il y aurait peut-être, ça serait un défi à lancer à d'autres historiens. J'ai choisi cela puisqu'effectivement, ce lied appartient à la musique maçonnique de Mozart et est d'une des compositions dans lesquelles cette philosophie maçonnique se trouve exprimée. Alors revenons à notre lecture de votre livre. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la mode historique est au réseau, aux connexions, aux circulations. Et dans votre livre, on est surpris parce qu'une des parties commence avec le titre général d'ensemble, la métropolisation de la vérité, et sans nier, je crois, c'est ce que vous allez nous dire, l'existence de réseaux et de circulations. Vous voulez porter l'attention sur quelque chose d'un peu différent et qui est le rôle essentiel joué par des lieux, des localisations, des grandes capitales. Dans votre précédent livre, vous aviez traité de Paris comme capitale philosophique. Le livre que j'évoquais, dirigé par Antonella Romano, porte sur Rome comme capitale de pluralité d'activités intellectuelles, de connaissances, de savoir. Alors, pourquoi cette insistance sur la localisation, le territoire, la cité, alors que les historiens veulent se laisser séduire par, aujourd'hui, des circulations, toute voile dehors? Alors c'est sûr que la métaphore maritime, comme on l'a relevé depuis le début de l'émission, nous pousse à prendre en compte et à prendre au sérieux le déploiement de la philosophie dans l'espace, dans les sociétés de l'époque moderne. Et il m'a semblé intéressant, à la suite de travaux d'histoire des sciences, bien sûr, mais aussi d'une nouvelle géographie historique, je dirais assez importante en France avec les travaux de Jean-Marc Bess ou en Grande-Bretagne, essayer de repenser non seulement la question des échelles, évidemment, mais aussi les formes d'organisation spatiale, du contrôle, de hiérarchisation, de centralisation de cette circulation. Et non pas de laisser penser que cette circulation, elle est libre, elle est aussi, comme on le verra, sans fin, sans limite. Non, ma vision, c'est plutôt d'un monde en archipel. Et c'est ça que j'ai voulu développer dans la deuxième et dans la troisième partie du livre. Et là, vous prenez un exemple un peu inattendu, puisque le lecteur, bon, pourrait penser que vous n'allez pas reprendre Paris, vous l'avez traité, que Rome l'a été magnifiquement. Donc, mais une autre grande capitale, et vous prenez Édimbourg, qui certes est une ville présente dans l'imaginaire collectif, ne fût-ce que par l'existence des Lumières écossaises. Mais pourquoi ce choix un peu inattendu d'Édimbourg comme capitale, métropole philosophique? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'idée, pour moi, c'est il y a une facilité documentaire à travailler sur Édimbourg, comme à travailler sur Lyon, par exemple. C'est-à-dire, c'est observer des phénomènes de métropolisation en ayant recours au maximum d'examens, si j'ose dire, densité documentaire. C'est la difficulté, évidemment, quand on travaille à l'échelle de Londres, de Paris ou de Rome, c'est qu'on est évidemment seul, en tout cas, on est confronté à la dispersion, à la monumentalité des archives. À Édimbourg, on peut, hein, même si la masse est considérable, on peut y travailler seul et on peut tracer à l'intérieur des archives, des itinéraires de travail. Alors, l'autre justification plus intellectuelle consiste aussi à revenir à travers le cas d'une ville qui prétend être une capitale intellectuelle sur ce travail de catégorisation, de construction des représentations urbaines de la philosophie. Dans quelle mesure ces représentations sont acceptées ou au contraire sont-elles en conflit entre une ville qui est une ville universitaire et puis de l'autre côté une nouvelle forme de philosophie qui s'impose et qui définit Édimbourg comme une capitale sociable, une capitale culturelle. Mais alors dans le cas d'Édimbourg, et là je me tourne vers nos deux amis, il y a quelque chose de particulier aussi qui est le fait que la ville ou son territoire, l'Écosse, devient un objet privilégié des enquêtes. Des enquêtes de type ethnographique sur les coutumes, des enquêtes de type statistique, comme l'enquête des préfets en France, des enquêtes qui sont aussi des enquêtes sur l'histoire naturelle. Donc, le lieu est aussi l'objet de l'enquête, ce qui n'exclut pas le fait qu'Édimbourg, vous dites capitale monde ou ville monde, est ouvert par des réseaux de correspondance, de voyageurs sur l'univers. Est-ce que dans d'autres capitales, on retrouverait la même articulation? C'est-à-dire, est-ce que dans ces capitales-là, le lieu lui-même devient un objet privilégié ou fondamental des réflexions et des enquêtes? Ou est-ce que le cas d'Édimbourg, de ce point de vue-là, serait peut-être, non pas isolé, mais traduisant une autre réalité spatiale de la pratique intellectuelle? On ne peut pas dire que Rome soit... Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question. Est-ce que Rome est le lieu fondamental de l'activité philosophique romaine? Aussi. Bon. Aussi. Et justement, il me semble que ce qui est intéressant avec l'exemple d'Édimbourg, c'est qu'il est à la fois singulier, mais paradigmatique. Alors, paradigmatique en fonction de la question que vous venez de poser. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un ancien régime des savoirs conduit des acteurs, visibles ou invisibles, à interroger les lieux mêmes qui émergent comme ces lieux de savoir. Et ça, Stéphane Van Damme nous l'a montré avec Édimbourg, on a essayé de le montrer avec Rome, et d'autres lieux pourraient eux-mêmes, y compris hors d'Europe du reste, être saisis dans ce mouvement-là. En même temps, ce qui est intéressant avec le caractère... avec le choix d'Édimbourg, c'est cette possibilité d'un centrage sur donc, des lieux spécifiques, hein, des espaces de capitalisation forts, mais qui sont aussi susceptibles de nous permettre de décentrer à une autre échelle les perspectives. C'est-à-dire que écrire aujourd'hui une histoire culturelle de la philosophie ou une histoire des sciences, ça nous invite à repenser diversement les lieux dont nous avons nous-mêmes hérité pour être ceux à interroger de manière privilégiée. Voilà. Vous diriez la même chose sur Paris, Antoine Lilti, parce que Stéphane Van Damme a publié, oui, je le rappelle, il y a 2 ans maintenant, Métropole de papier, naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres, 17e, 20e siècle, qui peut se lier à cette question. Est-ce que Paris est l'objet privilégié de l'exercice philosophique au sens très large ? Histoire naturelle, archéologie, description monumentale de l'activité philosophique parisienne. Alors, si la question c'est objet privilégié, je crois qu'on est obligé d'avoir une réponse qui est soit nuancée, soit négative. C'est-à-dire objet privilégié, je ne dirais pas ça. Mais effectivement, ce qu'a montré très bien Stéphane Van Damme dans ce livre, le livre que vous venez de citer sur l'archéologie, mais aussi dans Paris Capitale philosophique, c'est à quel point effectivement la ville, la métropole et Paris même devient un objet, pas un objet privilégié, mais un objet des savoirs. Et là, et de l'enquête philosophique. Et je pense que on a le même enjeu avec Édimbourg, sans doute avec Rome. Il ne faudrait pas donner l'impression, nos auditeurs, que le local s'enferme dans le local. Or, il me semble qu'au contraire, et c'est là tout l'intérêt de la démonstration, le local, l'ancrage dans le local et l'intérêt pour le local, c'est justement le levier qui permet des connexions, qui permet des circulations, qui permet un élargissement de l'enquête. Prenons un exemple. Un des grands auteurs écossais, qui est une des grandes figures des Lumières d'Édimbourg, qui est William Robertson. Il commence par écrire une histoire de l'Écosse. Ensuite, il écrira une histoire de l'Europe à l'époque de Charles Quint. Et son livre le plus célèbre, c'est son histoire de l'Amérique. Et ensuite, il écrira même sur l'Inde. Donc, dans une perspective qui devient une perspective impériale et de réflexion sur la globalité du monde du XVIIIe siècle. Et ces livres sont traduits dans toute l'Europe extrêmement rapidement. À Paris, on s'arrache les épreuves de l'édition originale pour les traduire dans le moment même où ils sont en train de paraître à Édimbourg et à Londres. En Allemagne, à Göttingen, William Robertson est une figure très importante. Donc on voit bien ici l'articulation entre un ancrage local et des connexions, des circulations et un intérêt pour la perspective impériale. Alors dans cette perspective, vous consacrez aussi un chapitre à ce que vous appelez les sagesses barbares, c'est-à-dire le fait que, c'est Robertson qui m'y fait penser, comment se construisent aussi dans d'autres territoires à la fois des images du contraire, d'où la construction de l'altérité comme sauvagerie ou comme barbare, mais en même temps se développe, vous parlez de la différence créole, c'est-à-dire des modes de production du savoir qui peuvent avoir, bien entendu, une référence avec ce qui vient d'Europe, mais qui, par les créoles, aussi bien dans l'Amérique latine que dans les futurs États-Unis, peuvent avoir des traits particuliers. Et alors, comment vous intégrez dans votre réflexion spatiale cette transplantation qui entraîne du coup une originalité? Oui, l'idée c'est de montrer que le déplacement est productif hein, d'une certaine manière, il altère la définition européenne de la philosophie. Et c'est particulièrement intéressant, non seulement parce que une grande partie des philosophes des Lumières, 17e siècle, 18e siècle, sont fascinés par le thème de la rencontre, au point d'en faire un dispositif d'enquête anthropologique, mais aussi ils produisent en se déplaçant dans les empires, en traversant l'Atlantique, en allant dans l'océan Indien, ils élargissent la définition textuelle de la philosophie telle qu'on la connaît en Europe. Et par exemple, donc la rencontre par exemple avec la Chine ou l'Inde les met d'abord en présence d'une définition scolastique, hein, puisque les mandarins, les sanskritistes offrent des alter ego aux philosophes scolastiques. Mais ailleurs, et donc j'ai pris l'exemple par exemple de la province de New York, de cet intérêt pour les Mohawks, pour les Indiens qui n'ont pas de produits d'œuvres écrites, là on est confronté à une définition différente de la philosophie comme art de faire, comme praxis. Et là, donc, ce déplacement n'est pas indifférent. Il interroge le cœur même de la philosophicité, si j'ose dire, du philosophique. Antonio Romano, vous avez été intéressé particulièrement par ce chapitre sur les sagesses barbares. Pourquoi? Mais pour les raisons que viennent d'indiquer à la fois Antoine Lilti dans son évocation de Robertson et Stéphane Van Damme dans son évocation des États-Unis, à savoir que ce qui est intéressant dans l'analyse des phénomènes de métropolisation-capitalisation, c'est qu'en effet, on ne peut pas penser l'ici indépendamment de l'ailleurs. Hein. Et c'est quelque chose que l'on sait bien aujourd'hui, maintenant, quand on travaille sur l'anthropologie, quand on travaille sur l'histoire des sciences, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup moins, peut-être, quand on travaille sur la philosophie. Et il me semble qu'il y a là cette idée qu'en effet, avec ces horizons qui se reflètent dans les dispositifs urbains, mais dans des dispositifs urbains qui sont travaillés en vue de transformer ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui vient de l'ailleurs, eh bien, à ce moment-là, on est confronté, en effet, à un corpus qu'il faut repenser, et donc à des frontières de la philosophie qu'il faut repenser. Et il me semble que c'est une des dimensions extrêmement intéressantes de ce travail, qui nous invite, du reste, à pousser d'un cran, évidemment, l'analyse sur... ce qui est aussi, me semble-t-il, une des caractéristiques du XVIIIe siècle et qui est présent dans ce texte, à savoir le passage de relais des centres européens d'énonciation du philosophique vers d'autres énonciateurs qui ne seraient pas eux-mêmes des Européens, d'où ces sagesses barbares qui deviennent des sagesses tout court. Alors, dernier thème que nous pouvons évoquer dans votre livre, c'est la constitution des communautés philosophiques. Parce que de la même façon que vous avez réticence vis-à-vis d'une histoire des relations ou des circulations qui ne leur donnerait pas des lieux d'ancrage, vous avez aussi une réticence contre l'idée que des communautés peuvent naître un peu spontanément et devenir universelles, mais qu'en fait, il y a des formes de sociabilité qui se construisent autour de liens plus denses, et vous retenez la catégorie d'amitié comme l'une de ces catégories, pour montrer que cette amitié, on a entendu ça dès le début de cette émission, le mot est employé par Oldenburg pour s'adressant à Spinoza, cette amitié, elle peut être une intense projection de l'affectivité, mais elle est aussi intellectuelle. Et vous montrez qu'une des constituants de cette amitié, ce sont les rapports au texte, les manières de philosopher, là, dans un rapport avec le texte écrit. Et donc, pour vous, c'est l'un de ces facteurs discriminants, en quelque sorte, à l'intérieur d'une communauté philosophique globale, pour des communautés plus particulières, plus spécifiques. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée étant de revenir sur la, de prendre au sérieux la notion de passion philosophique, de passion de la vérité, et de donc effectivement la topique de l'amitié est une topique très courante au XVIIe, XVIIIe siècle. Je montre que d'un point de vue éditorial, il y a une conjoncture éditoriale, republication d'un certain nombre de traités. Donc j'ai travaillé à l'intérieur de cette configuration, non pas pour produire ou pour avoir une sorte de vision irénique du monde philosophique, mais pour prendre au sérieux l'idée que ces pratiques de l'amitié, elles ont des effets, elles produisent des effets de connaissance. Elles permettent un travail collectif, elles permettent une circulation particulière entre des individus qui ne sont pas liés par des institutions, par exemple, ou qui permettent, ça leur permet d'échapper à un certain nombre de contraintes. Ça permet aussi de les constituer parfois en auteurs collectifs, si j'ose dire. On voit ça très bien à travers l'exemple que je donne entre Molineux et Locke, cette reconnaissance par le philosophe anglais John Locke à la fin du XVIIe siècle, dans une correspondance qu'il a avec son ami irlandais William Molineux. Il y a une reconnaissance de la place de l'ami dans la constitution d'une philosophie qui n'est plus la philosophie de Locke, mais qui ne serait une sorte de philosophie en partage entre Locke et Molineux. Et donc c'est un peu ce modèle alternatif et souple qui s'offrirait en contrepoint. Et alors je donne une réponse historique à cette... il y a une clôture pour moi, c'est-à-dire que dans les années 1740, le modèle académique, le modèle institutionnel, triomphe définitivement. Et ce modèle de l'amitié qui a pu apparaître comme un modèle alternatif, échoue d'une certaine manière. Mais vous constituez un diptyque à la fin du livre parce que vous opposez, on revient à une remarque faite par Antoine Hildy sur les libertins érudits, vous opposez aussi quelque chose qui est plus proche de la structure d'opposition, de conflit, en introduisant un thème de la violence, qui pouvait être un thème de la violence à l'intérieur de ce qu'on a vu dans la constitution de dénoncés philosophiques à partir de polémiques sur des cas d'injustice, Voltaire derrière cette référence, mais... Pourquoi réintroduire in fine, alors que votre fin pourrait être plus paisible avec, et plus gratifiante avec la minière, pourquoi réintroduire ce dernier chapitre avant votre épilogue sur la violence? Alors l'idée, c'est de clore le livre toujours sur ce problème de l'identité philosophique. Et effectivement, à travers le libertinage, on a affaire à l'impossible définition positive d'une philosophie libertine, d'une philosophie au grand jour, d'une certaine manière. La revendication du libertinage est une revendication qui est négative, qui est polémique. Donc ce n'est pas seulement une violence subie par le fait de la répression, mais une violence utilisée. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est finir sur ce régime de la prohibition qui me semble caractéristique aussi. Alors, de la prohibition, de la persécution, enfin, on peut l'appeler comme... qui me semble aussi caractéristique de cet ancien régime philosophique. Antoine Hildy, vous pensez que l'amitié l'emportait ou que violence est omniprésente? Non, pas du tout. Je pense que ce qu'on voit bien, c'est que l'amitié fonctionne très bien dans un espace qui est un espace privé ou un espace semi-privé pour produire effectivement de l'attachement et des liens communautaires, mais en revanche, il est en difficulté lorsque on se situe dans un espace de publication et de publicité. Stéphane Vandamme le montre très bien, parce que c'est un registre, celui de l'amitié, qui peut être soumis à la critique de la connivence, et notamment parce qu'il n'est pas tout à fait conforme à cet autre modèle qui est celui du jugement critique et du jugement de la raison. Donc on a à la fois la violence du côté, par exemple, des libertins, mais on a aussi ce conflit, cette contradiction entre ce que les philosophes eux-mêmes porte dans l'espace public l'idée d'un jugement rationnel, d'un jugement critique, et ces espaces d'attachement fondés sur des amitiés, des connivences, des communautés fermées. Et du coup, pour terminer l'émission, on peut revenir à Spinoza, avec laquelle nous avions commencé à travers la lettre de Oldenburg, d'une manière plus pacifiée, revenir à une de ces communautés de lecteurs et de philosophes qui se cimentent, qui se nouent autour des échanges sur une œuvre. C'est une lettre que envoie Spinoza Simon de Vries en 1663, pratiquement contemporaine de la première lettre que nous avons lue, et qui est à propos du court traité et de la partie rédigée de l'éthique de Spinoza. Voilà ce qu'écrit Simon de Vries. Pour ce qui est du collège, donc, une petite société, une communauté qui s'est construite autour de l'œuvre de Spinoza, pour ce qui est du collège, il est institué de la manière suivante. L'un des membres, à tour de rôle, lit votre texte et explique comment il le comprend, après quoi il reprend toutes les démonstrations en suivant l'ordre des propositions énoncées par vous. Si alors il arrive que nous jugeons qu'il vaut la peine de noter le passage et de vous écrire pour que, si possible, vous nous éclairiez et que, sous votre conduite, nous puissions défendre contre la superstition religieuse les vérités chrétiennes et soutenir l'assaut du monde entier. Donc, dans ce travail de lecture et d'explication, toutes les définitions ne nous ont pas paru également claires et nous n'avons pas porté le même jugement sur la nature de la définition. En raison de votre absence, nous avons demandé l'avis d'un certain mathématicien qui s'appelle Borelli. Ce dernier, quand il parle de la nature, de la définition de l'axiome et du postulat, indique aussi les opinions d'autres personnes. C'est un texte magnifique puisqu'on a peut-être comme un résumé de toute notre émission avec la complicité... le jugement, la lecture, la difficulté et d'un exercice philosophique qui, là, par des pratiques intellectuelles très précises, se noue avec un sentiment de connivence entre les membres de ce petit cercle spinozien. Je rappelle donc que l'émission de cet après-midi était consacrée au livre de Stéphane Vandamme, « À toute voile vers la vérité, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières », collection L'Univers historique, édition du Seuil. Nous l'avons présenté en compagnie de Stéphane Van Damme, d'Antonella Romano et de Antoine Lilti. La prise de son de cette émission a été assurée par Jehan Richard Dufour, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire, vous seront présentés par Philippe Levillain. Et dans quelques instants, l'émission de Marie Richeux, C'est pas la peine de crier.